L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. 96.2 FM, ça y est, c'est parti, je suis heureux de vous retrouver après une semaine, vous m'avez beaucoup manqué. 16h13 minutes, et bonjour, nous on est le 13, ça tombe bien, 13 janvier, et ouais, ça passe, hein, il y a bientôt 15 jours, c'était le nouvel an qu'on fêtait ensemble d'ailleurs. Et puis dans un mois, c'est la Saint-Valentin. Ah là, justement, on en parlera dans cette émission. Et puis notre invité aujourd'hui, Didier Verchère, qui est dans les studios de la radio, il sera en direct avec nous aux alentours de 16h30. Alexis M. Figo, ça arrive. On vous souhaite une bonne après-midi en direct sur la Arc-en-Ciel de la famille. Yo soy de la yeca, dile a tu novio que no se meta. Metalo con los tigueres a cuarta. Tengo todo y tengo la vaca. Suelta la mano, las mujeres guapas. Si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ, súbame la mano, las mujeres guapas. Si todas son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que rima. mueve, mueve. Como que no te atreves. Como que no te atreves. Como que no te atreves. Sube, sube, mueve, mueve. Como que no te atreves. Como que no te atreves. 16h17 sur la console. Mueve la coleta. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. 96.2 FM, c'est la fréquence si vous êtes en voiture. Salut la famille, heureux de vous retrouver, une semaine d'absence. Et puis ça y est, notre invité qui est là, il vient d'arriver, Didier Verchien. Ça va Didier? Ça va, ça va. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Avant tu venais le matin. Ben oui. Maintenant l'après-midi. Eh ben voilà. Voilà, l'after job le lundi, puis le mardi, 16h, 18h le lundi, et 17h, 19h, ça c'est pour le mardi. On va parler de quoi avec toi tout à l'heure, mon ami? Alors la semaine prochaine, j'aurai le maire d'Olivet, ça n'a rien à voir avec toi. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Bah, ouais. La politique, ça va commencer là d'ailleurs, il me semble. Ouais, ça y est, il y a des élections qui arrivent. Hein. Ouais, municipales là, ça y est, ils sont à fond dedans là. Ça va être chou là. Ils se battent pour les radios, hein. Salut Popo qui nous regarde. Salut Fabienne, salut Cyril. On va parler de Sibiu, on va parler de bouquins avec toi. Tout à l'heure, aux alentours de 16h30, c'est ça? C'est ça. Aux alentours de ouais, 16h30, 16h35. Hein. Oui, oui, oui, voilà. C'est pas fini la Sibi, non? Ça existe encore? Ah, il y a... Ouais. Non, il y a encore un petit peu de monde, et puis ça revient, là. Je vais t'en parler un petit peu. J'en profite pour dire un petit coucou à tous ceux qui sont à l'écoute, autour voilà. De la France et à l'étranger aussi. Et ben voilà, on les salue tous, et on te retrouve dans 15 minutes en direct sur l'arc-en-ciel, mon ami, si tu veux bien. Ça te va? Ça me va, parfait. Claudio Capéo qui arrive pour le son. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h et le mardi de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Perdu ma route, je parviens même pas à réaliser. Paralysé, j'ai perdu ma route. Quand tout fait mal, comment se racheter? Dis-moi la douceur, combien ça coûte? On ne comprend pas comme un étranger. Je peux plus bouger, j'ai perdu ma route. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur est en grève. Sur quel ciel pourrait-on s'aimer? Tu vois, le cœur de grand brûlé se taise. L'amour qui nous apaise. Et ce mot si tu le connais. Dis-le-moi. Comment faire quand ta main dépouillée, déjà rouillée, j'ai perdu ma chance, j'arrive plus vraiment à me débrouiller. J'ai dérouillé, j'ai perdu ma chance. Il me reste un espoir dans tes yeux. Mon espoir à moi est bien trop vieux. Le temps finit par tout éprouver. J'ai pas trouvé, j'ai perdu ma chance. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur est en grève. Sur quel ciel pourrait-on s'aimer? Tu vois, le cœur de grand brûlé se taise. Y a-t-il un mot qui nous apaise? Et ce mot si tu le connais. C'était fait que pour chanter. Et puis t'as pris ma main et tu m'as réparé. Je ne croyais plus vraiment en l'amour. Et puis un jour j'ai croisé ta route. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur est en grève. Sur quel ciel pourrait-on s'aimer? lundi, on est là hein, jusqu'à 18h, Claudio Capéo. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis une triste nouvelle qui est arrivée dimanche, le motard Paulo Goncalves, le motard portugais qui est décédé malheureusement à la 7e étape qui se déroulait en Arabie Saoudite. Bah, il a été victime d'une chute assez importante et malheureusement il a perdu la vie, donc voilà, toutes nos condoléances à la famille du motard qui avait quand même fait 12 Paris-Dakar. C'est énorme, hein. Ouais, là, le pauvre. Ouais, franchement, ça démarre mal pour le Paris-Dakar, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est la loi du sport, comme on dit, malheureusement. Et on est triste à la radio, ouais, un petit peu, hein. Un petit peu, enfin, oui, surtout dans la... compatriote. Ouais. Compatriote, en plus portugais, radio portugaise. Ouais, bon, c'est ça. Donc on voulait adresser tous nos vœux de condoléances à la famille de monsieur Goncalves Paulo. Voilà, Didier Verchat qui sera là dans moins de 10 minutes avec des bons souvenirs sur la concielle. Les Cranberries, bah non, décidément, je parle que de décès aujourd'hui, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an déjà. Et ouais, ça passe tout ça. Hein. Voici les Cranberries, c'est Zombie sur la concielle. Zambie. Une petite pensée à la chanteuse de Cambrai qui nous a quitté un peu plus d'un an. Heureux d'être là, 16h30, c'est la météo. La météo. La météo pour demain, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. C'est ce qu'on dit souvent. Le ciel sera très nuageux, malheureusement. Pas de goutte de pluie prévue, mais un ciel très chargé en nuages. Les températures, c'est plutôt pas mal, on va dire. 8 degrés au lever du jour, hein, Didier, ça va? Ça va aller, ça va aller. Il y a eu pire en mois de février, hein, janvier. Oui, jusqu'à 11 degrés l'après-midi, ah, ça va. Il fait bon. C'est Byzance. Ouais, c'est la planète hein, qui est déréglée avec tout ce qui se passe en Australie. Alors je suis content pour les Australiens parce qu'ils avancent de la flotte là. Et ça va. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Hein. Et puis j'ai vu que pour les pompiers. Ouais, j'ai vu qu'il y avait plein d'acteurs américains qui avaient fait des dons, de millions de dollars. Attention, c'est bien. Ils peuvent le faire. Ouais. Et on peut être fier en France aussi parce que le zoo de Beauval, à une autre échelle, a fait un don de 50 000 euros, je crois là, récemment. Bah oui, comme ils ont des petits koalas, tout ça là-haut, ils ont fait un petit don là. Je viens de le voir. Des pandas aussi, des pandas. Ouais, des pandas, des koalas, ils ont plein de choses au zoo et ils ont fait justement un petit don hein, de 50 000 euros. Bon, après, c'est à échelle mesurée. Hein, quand on s'appelle Leonardo DiCaprio, on n'a pas les mêmes revenus que le Zodbobal. Mais je trouve ça sympa. Nous, si j'avais pu faire un don, j'aurais fait un don. Moi, je pourrais faire un don de 10 euros. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça peut aider peut-être 2-3 koalas. Au cas où. Voilà. Alors, il faut vous méfier aussi des photomontages qu'il y a eu fait. Tiens, toi, qui es dans la photo. Oui. Il y a eu une photo montage qui est circulée sur le net. Justement, on voit une petite fille avec un masque d'oxygène, un koala dans les bras. Et puis derrière, on voit de la fumée, on voit des feux, on voit tout ça. Voilà. Et bien, ça, c'est une photographe. Voilà, c'est un fake. Exactement, c'est une photographe. Pas un fac. Ouais, la fac, c'est à l'époque, ça. Ça va pas nous rajeunir. Et bien, c'est une photographe professionnelle qui a fait ça avec le montage de sa fille. Elle a inclus plusieurs photos, donc notamment via Photoshop, par exemple. Et elle a fait ça professionnellement sur plein d'activités. C'est un petit peu dommage parce que c'est tromper le lecteur, la personne. Donc, beaucoup de gens ont partagé cette photo. Ouais. Donc, c'est une fausse photo. C'est un fake. Ouais. La petite fille, c'est la fille de la photographe, en plus. Ouais, j'ai vu ça sur France 2 la semaine dernière. Il y a un journaliste qui a expliqué ça. Une autre photo qui a été faite aussi avec une personne et un kangourou aussi. Ouais, il y en a eu plein. Alors que c'était une image qui datait de. Bon, on a vu ça aussi dans les manifs, on a vu ça plein de choses. Hein. On adore retoucher les photos. Hein. Non, pas, c'est arrivé de faire des fakes, toi qui es dans la photo depuis des années, un professionnel juste comme toi. Ça t'arrive? Non, de faire des fakes, non. De faire des blagues, oui. Des blagues, des copains, ça peut arriver. Une photo cochonne avec un. Photo cochonne, bien sûr. Mais avec un groin de cochon. Ah, c'est rigolo, la photo cochonne du photographe. Et là, quand tu cliques dessus, t'as le groin d'un cochon. Voilà. Ça va être sympa. Dans 3 minutes, on va t'accueillir. Il est cher. Professionnel de la photo. T'as écrit un bouquin. T'as fait plein de choses. On va en parler. Parce que on s'est pas vu quasiment depuis un an. Non, quelques-unes, à peu près. Avant que tu le matin, comme je disais. Là, ça va mieux. L'après-midi, c'est plus facile. Je suis un peu plus réveillé. Ouais, c'est vrai. Tous les invités que je convoque à la radio, il y a Olivier Carré qui est passé il y a 3 semaines. Il y a plein de gens qui viennent me voir l'après-midi. Monsieur le maire, je salue au passage que tout le monde est en tournée municipale en ce moment. Mais oui, là, ça drague sec. Dès qu'on les appelle, ils acceptent. Alors, je suis un peu déçu. Je balance. Vas-y, balance. Moi aussi, je vais balancer de toute façon. Non, j'avais invité le football club de Saint-Hilaire qui a gagné l'autre jour. Hein. Je les ai invités, là, j'ai pas eu de réponse. Donc, si vous connaissez quelqu'un là-haut, passez le message. Je suis un peu déçu parce que c'est un club local. Ah, ils sont peut-être débordés aussi. Nous, on parle local, je veux dire. Oui, moi, je suis honnête. On est sympa, on parle local, on est une petite radio sympa, on a pas mal d'auditeurs. Et je pense quand on est local, on peut accepter une invitation. C'est sûr, on s'appelle pas France 3. Hein. D'ailleurs, je salue Chapiotin, Christelle, ma pote journaliste à France 3 qui nous écoute régulièrement. Petit coucou à France 3 alors. Voilà, je les salue, France 3, c'est la famille. Non, mais sérieux. C'est la famille. Ils auraient pu répondre au moins, me dire, non, on est débordé par les médias. Mais c'est sympa, quoi. Ils auraient pu venir à la radio quand même. Voilà, je voulais juste le souligner. Donc, si vous connaissez. Ouais, j'avais entendu ta dernière émission, là, tu leur faisais un petit coucou et tu leur avais passé l'invitation directe. Le pire, c'est pas ça, c'est que souvent, des fois, je fais les résultats sportifs de temps en temps, je regarde, j'en parle du club, tu vois, même on peut en parler. Attention, moi, je voulais en parler, j'en parle régulièrement, je vais pas en parler parce qu'ils ont gagné la Coupe de France, là, hein, tu vois. Ce que je veux dire, on est sympa, hein. Bon, répondez-nous, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Et tu arrives dans moins de 2 minutes, juste avant, c'est Grégoire qui arrive si tu veux. Tu connais Grégoire, le chanteur? Pas personnellement, mais j'ai dû l'entendre quelque part. Voilà. Grégoire est un pote du divers chers. c'est quand tu me prends par la main et que tu me dis allez viens on se casse, c'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives, dans combien de temps, c'est quand t'arrives et que tu me dis allez viens, viens maintenant c'est le moment, dis-moi c'est quand. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand que ça commence, ça finit cette rengaine imbécile de mon cœur en vacances. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand le départ, c'est quand qu'on se promène sur une plage à la tombée du soir. C'est quand tu décides, c'est quand que tu oses, c'est quand le sublime, nos deux corps enlacés sur des pétales de rose. C'est quand je veux y croire, c'est quand tu m'enlèves, c'est quand notre histoire, puis c'est quand le conte de fées dont on parle dans les rêves. Oh. Oh. C'est quand tu m'embrasses, c'est quand le désir, c'est quand qu'on se trace sur des routes inconnues à bouffer. C'est quand tu m'appelles, c'est quand t'hésites plus, c'est quand l'éternel, même si on se plante pas grave, je suis déjà perdu. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand le bonheur, c'est quand que tu m'aimes, c'est quand que tu m'aimes. C'est quand tu passes, c'est quand tu me prends par la main et que tu me dis allez viens on se casse, c'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. Ah, j'adore Grégoire. Ah, bon, à chaque fois je le raconte mon anecdote. Hein. J'ai passé l'Olympia avec lui il y a plus de 10 ans, t'imagines toi, ça date. Hein. Ben, ça te rajeunit pas. Ouais. Alors j'étais sur une grosse radio, comme Arc-en-Ciel, encore plus grosse, mais non, plus aussi grosse, ouais. Avec un V, ça s'appelait la radio. Vous n'avez pas un gros engin. Ouais, une grosse bagnole à l'époque. Bagnole. Bah, c'était pollué, on avait un humeur, ça s'appelait. Et puis bah il m'avait invité à l'Olympia, voilà, en VIP. Un jour j'ai reçu le badge dans ma boîte aux lettres. Et un mot de sa part m'a dit Francky, je t'invite à l'Olympia. Voilà, donc c'était sympa. Hein. Faut être honnête. Donc t'as fait l'Olympia. Là. Voilà, j'ai fait l'Olympia, ah, mon premier Olympia avec Grégoire. Francky et l'Olympia. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis l'invité du jour. Hein. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ah, c'est toujours la même voix officielle, hein, Pascal, les jingles, le roi des jingles de la radio. Je salue Pascal, mon ami. Je suis content, je suis un peu crâneur. J'ai montré là sur le live de du Facebook mon autocollant que tu m'as offert. Sympa, hein. Voilà. CB-Talk. CB-Talk, appli, c'est ça, il y a une application. C'est ça, une application, on va en parler un petit peu. CB, justement. Alors, bonjour. Didier Vercher, je lis un peu le déroulé que tu m'as passé en début d'après-midi. C'est juste pour en parler. Oui. Ça va? Comment tu vas bien, mon ami? Bien, bonjour Francky, ça va pour ouais. Cette énième invitation. Ouais. Je voudrais tout d'abord faire un petit coucou et souhaiter, parce que c'est encore d'actualité, les vœux à tous les auditeurs. Ouais, jusqu'au 31, on peut. Ouais, hein. Tout à fait. Ouais, on a la galette aussi à manger, on a plein de choses. Du bonne année. Hein. Voilà. Donc ouais. un gros coucou et meilleurs vœux, plein de santé et plein de bonnes choses aux auditrices, aux auditeurs d'Arc-en-Ciel. Surtout la santé, c'est ce que disait ouais, Michel. Fait, ouais, santé, ouais. Je l'ai poussé un peu. Il a encore la pêche. Il est là, le Michel, il a 70 balais, le mec. Ouais, quand même. Il a la patate, le Mimiche, mon Mimiche. Ah, des fois, il débloque un peu dans les CD et tout, là. Il a encore un CD, lui, hein, à la radio, c'est le seul, je crois. Bon, il est pas au vinyle, ça va. Tant qu'il est pas aux cassettes. Ouais. Faudra plus de cassettes, tu me diras, ici. Voilà. Alors, Didier. Bah écoute, mon Francky, je suis honoré, très honoré d'être dans tes premiers invités de cette année, ouais. 2020. Ah, t'es à la puis, star un peu, il y a eu Olivier Carré qui était là, il y a Marine Deslinguer. Sur le siège de monsieur le maire. Ouais, ouais, bah monsieur le maire, il a pris ce siège là. Ouais, hein. Je m'en doute, c'est le plus confortable. Ah, c'est, oui, il est pas mal celui-là, alors, ah, 10 000 balles le siège. Ah ouais, quand même. Ouais, il est pas éjectable celui-là, j'espère. Non, bah non, ça dépend, il y en a 2-3 qui sont éjectables, ouais, j'appuie sur un bouton, dès que j'en ai marre de l'invité, le vasistas là où bye il bye. Ah ouais, d'accord. Et adieu l'invité. Là, je suis pas en dessous du vasistas, bouton. Non, ça fait plaisir que tu reviennes à la radio. Voilà, bah, tout à fait, c'est toujours plaisant un petit peu, ouais, d'avoir un interview, de parler de ses passions, ah, et puis ouais, de parler aux auditeurs, aux auditrices. C'est vrai qu'on s'est rencontrés dans différentes occasions. Ouais, effectivement. Ouais. Première occasion, c'était Carton Rouge. Carton Rouge, ouais. On explique un peu aux auditeurs, c'était quoi Carton Rouge? Ah, Carton Rouge, c'était un gros coup de gueule que j'ai fait il y a 3 ou 4 ans sur la pollution de la Loire. Ouais, les gens sont dégueulasses. Ouais, j'ai fait. J'ai remué un petit peu la bouse. Ouais, la bouse. Merci de m'avoir passé le mot qu'il fallait dire. La bouse. C'est ça, parce que les gens sont dégueulasses. Voilà, j'étais pas tout par la fenêtre. Hein. Et j'avais fait quand même quelques photos, un gros reportage. J'avais mis un grand coup de gueule. J'ai fait signer une pétition qui est montée à 1500, 2000 signatures qu'on a déposées à l'aglo. Puis Pas de nouvelles. Pchit, non, pas de nouvelles. Bah, j'ai eu quand même certaines personnes de l'agglo, le président, monsieur Éric Lemaignan, tout ça. On avait bien discuté, mais bon. Il y a tellement de choses, il y a tellement à dire que voilà, c'est il faut. C'est mais je voulais faire le coup de gueule. J'en avais marre de photographier la Loire dans sa beauté, dans toute sa splendeur. J'ai voulu faire voir aussi ce que les gens laissaient sur le bas-côté. Il faut savoir que quand vous balancez une canette de Coca, je dis la marque, bon, tant pis, Pepsi, Coca, machin, on s'en fout de la marque. Ouais, c'est des centaines d'années. C'est 100 ans, hein, je crois. C'est oui, énorme. C'est même plus que ça. Puis un mégot de cigarette, c'est 650 litres de d'eau polluée. Ouais. J'ai vu en Suède, je crois. Maintenant, quand tu vas balancer un mégot en Suède, c'est 250 euros. Mais ça arrive en France, il y a certaines villes, j'ai vu, ne serait-ce que le fait de. Bon, c'est une autre pollution, mais d'uriner tout ça dans des coins. Bah, en Orléans, ils ont mis ça en place. Ça y est, là. Ça taxe, hein. C'est Olivier normal. Geffroy, il avait mis ça en place, là. C'est normal, les gens qui surveillent ceux qui. Les déjections d'animaux, tout ça. Les cigarettes. Il faut être un petit peu civique, et je crois que le civisme, à tous les niveaux, il s'oublie, quoi, il se perd. Mais ça s'apprend à l'école, peut-être, aussi. Ouais, la maternelle, Faut déjà les tabasser, les gars. Tout à fait. Non, je rigole. Je rigole, oh, un peu d'humour, ça fait du bien, je pense, de brut. Hein. Bien sûr, c'est de l'humour. Prenez pas ça au premier mot, quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas, on tabasse personne, nous. Et puis, on s'est revu aussi sur la photographie. On a parlé de photographie. Ouais, on a fait une émission sur la photo, sur le droit photo, sur, justement, sur les collages, sur les collages photo, les facs, tout ça. Et puis, ton premier bouquin. Ah, ça a été quelque chose. Une longue histoire. Ouais. Une longue histoire qui a mis 14 années à s'écrire. Enfin, non. 14 ans. C'est pas trop long, 14 ans, pour écrire un bouquin? Enfin, le bouquin, c'est un an et demi d'écriture. C'est 14 ans de. 14 ans, j'ai bien compris. Tu veux dire qu'il n'y a pas même 14 pistes d'écriture. T'imagines, sinon. J'espère que. Tu vas pas être riche. Non. Moi, je suis pas riche. Puis je le fais pas ça. J'ai pas fait ça du tout pour m'enrichir. J'ai fait ça parce que ce livre, ça a été un clin d'œil que j'ai voulu faire aux bénévoles, aux gens qui m'ont aidé pendant toutes ces années. Ouais. Et voilà. Puis parler aussi de ce patrimoine qui a été le premier réseau social aussi, qui est un petit peu oublié, mais qui revient à la mode. La Citizen Band du 27 méga qu'on a tous connu, enfin, sauf ceux qui avaient moins de 20 ans. Les jeunes, ils connaissent pas ça. Voilà, mais ils y reviennent un petit peu. C'est préhistorique pour eux. Ouais, c'est de la préhistoire. Ouais. On n'est pas à l'âge de pierre non plus. Ça a quoi? Ça a 30 ans. Hein. Ouais. Alors c'est marrant, quand on parle Sibiu, on a l'impression qu'on parle des routiers. Parce que c'est vrai que les routiers étaient équipés toujours encore de Sibiu. Ah bah oui, la Sibiu, c'est une très longue histoire qui a commencé. Bon, on va pas refaire l'historique. Qui a commencé après-guerre avec la vente du surplus des matériels radio suite à la guerre, sur les surplus américains. Et donc à la suite de ça, il y a eu beaucoup de matériel radio de vendu. Il y a eu beaucoup de passionnés de radio qui ont récupéré ces postes-là dans les surplus. Ouais. Il y a eu l'arrivée du transistor en 1956 qui a réduit. T'étais pas né, moi. T'étais pas encore né, mon Francky. Moi non plus. Moi non plus. Je suis né quelques années après. Moi aussi. Ouais. Et donc qui a mené ça, et petit à petit, ça s'est démocratisé, ça s'est mis un petit peu dans les camions, dans les premiers. Bon, j'abrège un petit peu, hein, dans les camions routiers, des truckers américains, ils s'en sont servis à l'utilité, et puis petit à petit, ça s'est démocratisé, et ça a dépassé la frontière outre-Atlantique, c'est arrivé en Europe, c'est arrivé en France, au Havre, par le biais d'un Havre, avec une société qui s'appelait la société Midland, qui a été les premiers importateurs de Radio CB. Et puis de là, bah, ça s'est largement démocratisé dans les années 80 d'abord, et après dans les années 90 avec l'arrivée du fameux permis à points. Et là, c'est devenu un moyen de communication non plus de passion, mais utile. Utile dans ouais. le sens attention les stations, attention papa 22 boîte à images, ça, attention jumelles et tout ça. Gendarmerie quoi, aux polices. Oui, voilà, c'est des petits codes qui étaient donnés un petit peu. En fréquence, et puis bon, ça a dû sauver beaucoup de personnes, je crois. Ça. Ouais, sauver, enfin, sauver, alors, sauver, oui, dans un sens, au niveau des points, du permis à points, au niveau du permis, et puis aussi, quelque part, ça a pu sauver quelques personnes. Puis il faut savoir que sur les fréquences de la Citizen Band, il y avait 40 canaux. Donc je resignale quand même aux auditeurs que les fréquences sont des fréquences, que les modes sont des modes et les fréquences sont des fréquences, ce sont deux choses bien différentes. Mmh. Ça c'est un petit clin d'œil à une certaine personne, il se reconnaîtra s'il a les écoute. S'il écoute, ouais. Je pense que oui. Allez, salut Stéphane. Hein. Et puis encore, bravo pour ta... C'est un YouTuber qui a une super chaîne, il fait plein de choses, il s'appelle Neotech. Il fait plein de choses sur la CB, sur la nouvelle technologie. Il est en Belgique, il a une super chaîne. Ah, il y a plein de monde qui le suivent. Mais des fois, bah, il connaît pas trop, alors il dit quelques petites, allez, on va le dire, quelques petites inepties, quelques petites erreurs. Ouais. Mais bon, ça se corrige, c'est pas grave. C'est un grave, ça. On t'envoie les 88, Stéphane, il n'y a pas de problème, je suis pas rancunier. D'accord. Bon, bah, ça va alors. Si vous comprenez. Ouais, on fait en sorte de se comprendre. Voilà, entre personnes qui ont du média derrière, il faut savoir de temps en temps faire des petits coups. Bien concours. Sûr. Voilà. Ça on fait est plaisir. Pas là pour assassiner non plus. Non plus, ouais. Ça donc, voilà, et c'est le fait de pouvoir parler un petit peu de sa passion, de la radio, et surtout de pouvoir transmettre notre patrimoine sans toujours se faire la guerre et vouloir faire des luttes de pouvoir. Alors, tu disais que la CB, justement, elle revenait un peu à la mode, entre guillemets, avec les jeunes. Ouais, elle revient à la mode. Pourquoi c'est revenu? Pourquoi ça a disparu un peu? Elle a disparu. Enfin, disparu entre guillemets. Comme dirait Madère. Sans disparu. Ouais, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Elle a disparu sans disparaître. Il y a toujours des aficionados. Il y a toujours des gens qui sont amoureux, passionnés, des dingues, des furax de la radio communication. Elle est partie un petit peu tout ça parce qu'il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle téléphone. Ah bah GSM. Le GSM. Voilà. Ouais, le fameux qui est devenu smartphone avec les GPS et ça a un petit peu tué la communication à ce niveau-là parce que bon déjà au niveau de la radio, au niveau des radioguidages, tout ce qu'on pouvait faire en CB, voir les appels de détresse et d'urgence par le biais du téléphone sur la fréquence canal 9 27, mais le GSM dans la voiture par exemple dans le camion il a pas tué que la CB hein, il a tué aussi les TomTom tout ça là hein. Le TomTom on s'en sert toujours parce on s'en que sert toujours un petit peu mais bon moins, au niveau, parce que maintenant il y a les applications directement voilà, sur les tout portables à fait. Hein. Bah ouais on a des applications GPS. Qui s'appellent Oise on peut le dire voilà c'est vrai que ça comment dirais-je, ça tue, mais bon, en même temps, c'est une nouvelle technologie. C'est mais bon, il fait tout. Moi, je me demande bientôt si on va faire le café aussi avec le smartphone. Ah, peut-être, on fait plein de choses et on devient dépendant de cette chose. C'est vrai que c'est pratique. Faut être honnête, mais bon, je l'utilise des fois. Ouais, moi aussi, de temps en temps, mais, à tous les niveaux, ça tue aussi la photo, hein. Faut pas l'oublier. Bah, toi qui es photographe, justement, un petit peu beaucoup. Je suis en train de mourir à petit feu. Bah, pourquoi? Parce que, les téléphones, ils sont de plus en plus sophistiqués, des photos de ouf maintenant avec des effets. Moi, ça tue les vidéastes. Je connaissais pas tout. J'ai un gamin qui m'a montré justement les photos où tu pouvais, vous professionnel avant, vous le faisiez. Vous savez, flouter l'arrière, voir le personnage devant. Ouais, faire des profondeurs de champ. Tout ça. Et ben les smartphones le font maintenant. C'est pas pareil. Tout à fait au point, mais bon. On arrive à avoir des résolutions au niveau des photos qui commencent à être correctes, même plus que correctes. Et puis c'est la facilité, c'est dans la poche, c'est comme tout. Donc, c'est à l'œil. C'est à l'œil. Oui, aussi, c'est à l'œil. Comme ça, c'est plus à l'œil pour nous, payait un photographe comme voilà. toi. Hein. On payait des professionnels. Maintenant, on les paye plus. On leur demande presque de l'argent pour venir faire des photos. Ah ouais, d'accord. Carrément. Ouais. J'ai eu le cas dernièrement. Ah ouais, carrément. C'était pas. Vu comment c'est tournant, on aurait pu le comprendre comme ça. Mais bon, que veux-tu? Ça fait partie de la vie. C'est les aléas. Et comme je disais, ça a tué un petit peu la radio CB communication. Ouais. Pour tout ce qui était à associatifs, les assistances du dimanche, tout ça. On était le seul moyen de communication pour la logistique des organisateurs, la sécurité, les secours. Ouais, aussi. C'est vrai. Ouais. Et puis petit à petit, bah, toutes les associations se sont munies de ces GSM, de ces téléphones. Donc ils ont plus, ils nous ont plus fait appel. Et puis au niveau des radioguidages, tout ça. Donc ça a tué les clubs, ça a tué les associations, ça a tué le vivier dans le cocon dans l'œuf. Et puis voilà quoi, c'est. C'est un peu comme Internet. Bah, oui, ça, voilà, c'est un petit ça peu comme tout Internet. Internet ouais, ouais. Alors d'un côté, ça tue des métiers, puis d'un côté, ça en fait rentrer d'autres, ça en crée d'autres. Donc c'est une très bonne chose. Mm. Puis notamment, bah, dans les années. Après, faut être logique, faut aussi évoluer. Hein, ah voilà, bah tout à fait, oui, il faut pas rester. On n'est pas resté au courant du feu. En radio, voilà. on a plus de vinyle. Voilà, ce que je veux dire. Ça revient aussi. Par contre, les vinyles reviennent en force. Mais quand j'ai commencé la radio, nous, on travaillait encore avec des vinyles à l'époque, 89, 88. Je me rappelle. On avait des vinyles, on n'avait pas de. Je me rappelle à tes débuts quand tu mixais dans une certaine boîte de nuit. On mixait encore avec des vinyles. Maintenant c'est fini, l'ordinateur et tout maintenant. Donc la suite pour toi, Didier, alors, ça s'annonce comment ? La suite pour moi, on va en parler un petit peu. Donc je suis responsable au niveau France et Europe d'une application. Je le dis ouvertement. Ouais, vas-y, ça s'appelle comment ? Alors l'application s'appelle CBTalk. C'est une association. D'ailleurs l'autocollant est très joli. Je l'ai. C'est un petit coucou à Gwendoline qui l'a dessiné. Bon, il est un petit peu grand pour la voiture, mais l'arrière d'un camion, ça se voit bien. Voilà, CBTalk à bord. Voilà. Il y a un petit pins, mais malheureusement, j'en ai plus. Je t'en ferai passer un, t'inquiète pas. Quand tu passes à la radio. Il doit être là, sur la casquette. Je t'en ferai passer un, il n'y a pas de souci, on n'a pas fait beaucoup. Et donc, ça n'a rien à voir, les pins, c'était fini. Ouais, ça. C'est vrai. Bah, tout revient. Hein. Donc, cette fameuse application qui a été mise au jour par la société Midland, qui est basée en Italie, a créé cette application pour remettre un petit peu la CB au goût du jour. Donc, c'est une application, donc, en numérique, bien sûr, qui est installable sur un smartphone. Donc, on peut la voir sur Apple Store ou sur Play Store. Mmh. Elle est gratuite, je le précise. Bon, elle est gratuite. Gratos, c'est important, ça. Hein, c'est très important. Il y a beaucoup d'applis gratos maintenant. Ouais, tout à fait. Et ça donne la possibilité, avec le biais d'un micro qui est conçu pour, bon, qui est un petit peu cher, on peut le dire, mais qui est quand même... On branche où le micro ? Pardon ? Tu le branches où le micro ? Alors, on peut le brancher sur deux façons. Soit il est sans fil, donc il est wireless, la nouvelle version. Et l'ancienne version, elle est faite pour être en même temps branchée sur un poste CB. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, dans la voiture, pour ceux qui ont un poste CB, brancher avec un câble le fameux micro Dual Mic. Je t'en ai apporté un exemplaire, là, je te ferai voir tout à l'heure. Et ce micro te permet, par le biais de l'application et de l'installation Bluetooth, de passer soit par le biais de l'application, donc pour être en contact avec des gens qui sont sur l'application, ou s'il est branché sur ton poste CB que tu as chez toi ou dans la voiture, tu peux converser aussi avec les gens en analogique qui sont en CB. Donc si jamais une communication CB, un contact CB que tu perds parce que la propagation n'est pas là ou parce que il y a des QRM comme on dit, il y a du parasite ou autre, tu peux récupérer ton interlocuteur s'il est équipé de la fameuse application, tu peux le récupérer aussi sur l'application. Donc continue ta discussion et ça permet aussi de faire passer des messages un petit peu. Il y en a combien de personnes en ce moment qui gèrent l'application, enfin qui ont l'application sur la France. Alors, qui gère sur l'application en France actuellement, on est dans l'équipe Midland, on est 5-6, mais qui sont vraiment sur l'application, on est 2. Et les connectés ? Alors, dans les connectés en France, je ne pourrais pas te dire le chiffre, non, parce que ça se connecte et ça se déconnecte. Ah, ouais, d'accord. Mais en 2020, dans le monde, on va atteindre le million. Ah ouais, quand même. Le million là, actuellement, on est aux alentours de 700 000 installations, parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs téléphones ou qui sont un petit peu sur ordinateur, tout ça, avec des émulateurs et tout ce qui s'ensuit. Quoique ça devient difficile d'être sur émulateur. Parce qu'il y a tout un tas de problématiques techniques derrière et autres. Donc mais sinon là on est aux alentours de 700 000 installations de l'application. Une sacrée application, ça révolutionne un peu la CB, on va dire. Ça révolutionne la CB, ça fait connaître la Citizen Band, parce que je parle de CB, je parle de communication banalisée, je parle de fréquences qui sont allouées pour monsieur et madame tout le monde. Donc il n'y a pas de licence, donc ça reste de la communication. Parce qu'avant il fallait acheter une licence, c'est ça? Ouais, il y a eu une époque où le gouvernement français, même outre-Atlantique, avait mis une licence, donc c'était 190 francs à l'époque, pour un poste, pour un poste CIBI, pour, voilà, pour 5 ans. C'était la licence PTT, donc poste et télégraphe. Télégraphe et télécommunication. On prend un coup de vieux avec toi, PTT. Et donc, chaque poste. Les anciens disent encore les PTT. Hein. Ouais, ouais. J'ai payé ma facture au PTT. Ouais, je vais au PTT. Et donc, cette licence, elle a été abrogée par une deuxième norme qui est arrivée. Et après, ça a été une petite révolution qui a fait basculer certains à certaines sociétés où ils ont imposé, parce qu'il y avait de l'import, il y avait de l'export, il y avait des postes qui étaient en mode export, et il y avait une grosse taxe à payer à l'entrée avant l'acheteur. Ouais. Et ça se répercutait sur le prix des postes aussi. Donc ça a fait baisser aussi l'achat des postes avec des postes qui étaient à l'époque très performants et qui devenaient excessivement chers. C'est vrai. De plus donc, en plus cher. Voilà, on a une société d'Irlande qui a capoté un petit peu aussi à cause de ça, parce que il y a eu un effet rétroactif par rapport au poste qu'ils avaient en archive, quoi, en avant. Ils ont dû avancer l'argent de cette licence. Donc ça les a, financièrement, ça les a plombés, quoi. Et puis petit à petit, la CIBI, le téléphone portable, c'est désuet. Mais on voit encore quelques antennes, alors très peu sur les voitures. Ah, les grosses antennes à l'ancienne, ça fait pour certaines personnes, ça fait Ça fait un peu fini. Oui, ça. Avec la ventouse, ou carrément percé avec un perçage sur le toit. Ah, et carrément. Ouais, avec un réglage d'antenne. Ils avaient des grandes CIBI, les gens, des grandes antennes, pardon. Il y a eu la Dakar, justement, une des premières antennes. Ça touchait sous les tunnels, des fois. Des fois, il y avait des systèmes, on passait avec un fil, on tirait sur la truc, ça baissait l'antenne, ou alors on mettait un petit coup de volant pour faire osciller l'antenne à droite à gauche, ou en avant arrière, et ça faisait que ça touchait pas, mais on avait les brins des antennes, des fois elles étaient usées, quoi, il fallait. Elles faisaient plus la grandeur, donc après il fallait refaire les réglages ou racheter un brin carrément, quoi. Carrément. Après ils ont rétréci les antennes pour les voitures, pour que ça soit moins visible, ils ont fait des systèmes de self, comme ça s'est fait dans les, parce que si tu veux, dans la radio CB, si on avait une antenne normale, on est sur une bande de longueur d'onde qui est de 11 mètres, il faudrait une antenne de 11 mètres. Sur la bagnole? Ah ouais, j'imagine. T'imagines, même en fixe. Donc, il y a eu des systèmes, des calculs de faits, et ça se fait encore, d'antennes, donc en quart d'onde, en demi-onde, en 7/8, qui réduisent le brin de l'antenne, mais qui ira récupéré par une self, qui est un filament en cuivre, qui récupère ta bande de 11 mètres, si tu veux, et elle est taillée pour aller entre telle fréquence et telle fréquence. D'accord. Mais après, c'est la technique. Après, c'est technique, là. Hein. C'est assez long, à expliquer. Bon, ma l'aventure. Et puis moi, c'est pas trop mon truc. Ouais. Je connais, je sais l'expliquer, mais je veux pas m'avancer sur un chemin glissant, quoi. Ouais. Je vais pas me savonner la planche. T'as raison, mon Didier. Je laisse la technique aux techniciens. Bah, une belle aventure pour toi, alors, qui continue. Une belle aventure quand la CIBI est arrivée. Moi, j'ai commencé à faire de la CIBI en 1978. J'ai découvert ça. J'ai fait un petit peu le kéké, comme on dit, le con avec. Une copie, là, c'était ça Non, la première chose que j'ai fait, j'avais dans la voiture du copain, il y avait un PA, un public adresse. On pouvait passer soit en émission ou soit en public adresse. Et la première chose que j'ai fait, je me suis caché dans la voiture et j'ai sifflé une nana. Ah ouais, carrément. La nana, elle voyait, elle entendait un bruit sous un capot, elle demandait ce que c'était, et nous, on était morts de rire. Voilà. Bon, après, on a décrit comment elle était habillée, donc quelle est cette voix, quoi. C'est pourtant, je suis pas Jeanne d'Arc, mais j'entends des voix. Après, bon, on s'est fait voir, on lui a expliqué, on a rigolé. Et puis, le gars qui avait cette CIBI, c'était un 22 canaux FM à l'époque. Il n'y avait pas de BLU, il n'y avait pas d'AM, enfin, d'autres modes de modulation. Et si tu veux, moi, j'ai tout de suite aimé ça, de pouvoir discuter avec les gens, faire des contacts radio, la passion. Après, bon, j'ai modulé jusqu'en 80-81, je suis parti au service militaire. Je suis arrivé dans les transmissions. Ah bah, oui. Bon, j'ai fait très peu de transmissions. J'étais dans un autre service après, plus sportif. Et donc, par la suite, après l'armée, on court les filles, on court plus après la radio, puis on a des. Ouais, c'est mieux, hein, tu vois. Et puis jusqu'en 90 à peu près, j'ai, comme on dit dans le jargon, j'ai QRT la CIBI, j'ai arrêté la Citizen Band. Ouais. Et puis j'ai voulu m'y remettre un jour, j'ai racheté un petit poste, j'avais toujours un 22 canaux FM, un Philips 22 canaux FM, et puis je branchais, il y avait rien dessus et tout. Et de là, on était passé entre temps à l'amplitude de modulation et à la BLU, donc un nouveau mode de modulation avec des normes, des canaux un petit peu plus larges, donc 40 fréquences, 40 canaux, enfin 45 fréquences, 40 canaux, parce qu'il faut pas oublier les canaux bis. Bah oui, hein. Et puis de là, après, je m'y suis vraiment intéressé de près, Et en 91, après avoir connu mon épouse, mais pas par le biais de la CIBI, rien à voir. Ah ouais, elle tu l'as pas pécho sur la fréquence, mais... non? Pardon? Tu l'as pas pécho sur la fréquence? Non, je l'ai pas pécho en fréquence. Je te dirai dans le coin de l'oreille comment je l'ai pécho, ouais, ça te rappellera aussi des souvenirs, toi. Ah, peut-être. Ouais, dans un endroit qui s'appelle le Sound Club. Ah ouais, d'accord. D'accord. Tu connais du côté de Vauve, là-haut. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Et donc, voilà, j'ai eu envie de me remettre, donc j'ai racheté un petit Pacific 4 à l'époque. Ouais. C'est un poste radio, et puis je m'y suis remis, j'ai vite contacté je suis rentré en contact avec un cibiste qui s'appelle Papounet, ouais, qui était un président d'un gros club radio sur Orléans. Je suis rentré dans le club, j'ai tout de suite apprécié, j'ai fait des assistances, et puis de là, je me suis retrouvé assez rapidement dans le bureau de ce club, qui s'appelait le Citizen Band Radio Orléans Club, le CRO. Et de là, au bout d'un an, je suis rentré dans le bureau et on m'a demandé de faire un petit journal au niveau de la CIBI et du club. Ouais, ouais. J'ai créé ce petit journal et puis ce journal, il a grossi très vite. Il est devenu un journal régional. On le sortait plus au niveau du club, mais on le vendait chez toutes les stations-service, un petit peu partout, chez Feu Vert. Il y avait un bouquin CIBI qui sortait à l'époque. Oui, hein. Après, oui, il y avait des nationaux. Il y avait CIBI Mag, CIBI QSO Magazine, CIBI Connexion, tout ça. Mon petit journal a grossi assez rapidement. On en vendait plus de 500 à 600 exemplaires par mois. Ouais. On était vraiment des artisans. On faisait ça, la machine à écrire. Enfin, c'était à l'époque. On tape à la machine. Avec un seul doigt en plus. Ouais, avec un seul doigt et tout. Comme les flics. Passe... ouais, un peu. Ouais, maintenant ils ont l'ordinateur. Ouais, non, mais et puis ce journal a pris de l'ampleur. Je me suis fait piquer quelques articles par les fameux magazines nationaux. Nationaux. Donc j'ai pas pu les attaquer parce que c'était un petit peu. Les attaquer, et de là, un jour, j'ai un adhérent qui m'a dit il faudrait faire un article sur le Canal 9. Je dis ouais, c'est vrai, t'as raison, je vais faire un petit truc. Et en faisant l'article sur le Canal 9, je me suis aperçu que cette fréquence de secours n'était pas utilisée ou très mal utilisée par les utilisateurs de la Citizen Band. Mmh. Donc j'ai dit il y a quelque chose à faire. Et de là, je me suis non seulement branché sur l'étude de cette fréquence, mais je l'ai ouverte en association sur Orléans. Mmh. Et on a été assez vite décrié par toutes les autorités. Parce que on n'était pas structuré, on n'avait rien dans les secours. Et petit à petit, on s'est pris au jeu. J'ai rencontré les autorités concernées, la préfecture, gendarmerie, pompiers, SAMU, ouais, qui m'ont donné des indications, des choses à faire. Et ils ont trouvé très utile de pouvoir voir ce système de communication pour alerter les secours. Parce qu'à l'époque, qu'à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable. Il n'y avait pas le téléphone portable. Quand un accident, un truc comme ça. Tous les amis routiers, tous les amis VRP, commerciaux, tous les gens qui étaient sur la route, qui avaient les pains au chocolat, comme on dit, les poste 40 canaux qui étaient usagers de la route étaient en même temps les oreilles et les yeux de la route. Ouais, donc dès qu'il y avait le moindre problème, ils appelaient aux alentours d'Orléans sur un rayon de 30 à 40 kilomètres, ils nous appelaient. Donc on s'est mis vite à être souvent en fréquence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai monté une équipe, j'ai structuré, on est monté jusqu'à 80 stations. C'est une permanence là carrément. Ah ouais, c'était de la permanence, ouais. c'était open avec la gendarmerie, pompiers et tout. Ça. C'était ok, ça leur en servit surtout. Voilà, on avait dès qu'on avait le fait d'un accident ou d'un problème, d'un incident, une route VTT sur l'autoroute à 2h du matin à 180, ça fait mal. À l'époque, on roulait pas à 180, enfin, on roulait quand même vite. Un camion qui perdait, qui crevait, qui éclatait un pneu, je sais pas, moi, un pare-choc, un landau sur la route, une voiture à contresens. Donc nous, on était tout de suite informés de ce qui se passait. D'accord. Donc, soit par une personne qui était dans le sens du problème ou dans le sens opposé, qui nous donnait. Donc on prenait le signalement, de là on prenait le téléphone fixe, donc le 600 comme on dit, et à la suite de ça, on appelait les autorités. Donc au début, ils nous croyaient pas. Après s'être présenté, après avoir fait des feuilles de rapport avec eux qu'on leur donnait, en effet, en 14 ans, je peux pas te dire, mais je les ai en archive, mais on a fait des milliers de rapports, effectivement. Et de là, on était reconnus, on travaillait avec eux et on a fait déclencher les secours. Et quand on pouvait avoir un témoin sur place qui était secouriste ou quelqu'un qui pouvait nous donner un renseignement, on pouvait faire partir les secours adéquats. C'est-à-dire que quand tu pars sur un accident et que tu as plusieurs blessés, pompiers, police, tu vas partir au départ avec un VSAB et éventuellement, si tu sais qu'il y a des voitures pour le feu, incarcération. Partir avec le matériel. Ouais. Et c'est un gain de temps de savoir quels sont les éléments que tu dois déclencher, faire décaler pour arriver avec ce qu'il faut sur place. Donc quand tu sais qu'il y a plusieurs blessés, tu vas faire partir 2, 3, 4 VSAB. Ouais. Parce qu'un VSAB, enfin un VSAB, un véhicule, voilà, une ambulance, ouais. Porte un blessé, une victime, pas deux. Ouais. Et s'il faut du matériel pour désincarcérer, enlever du produit, des produits dangereux, tout ouais, un tas de choses. Un truc au feu, un véhicule du feu. Ouais, et ouais, voilà. Ouais. Et en même temps, si tu veux, donc on avait les secours, donc les prompts secours, les secouristes, donc pompiers, SAMU. On avait aussi la gendarmerie ou la police nationale pour le côté sécurité et balisage. Ouais. Bon, on avait aussi en correspondance les sociétés, surtout sur les autoroutes. La DDE d'un côté et les sociétés d'autoroutes, ouais, donc à l'époque Cofiroute avec lesquelles j'ai travaillé, nettoyer tout ça, sur lesquelles ouais, j'ai balisé. Voilà, ils sont venus me voir au PC, je les ai rencontrés à Suèvre, à Paris, justement parce qu'ils étaient très intéressés par ce système et ils voulaient en équiper les autoroutes à l'époque parce que le portable n'était pas encore arrivé. Ouais, c'est vrai. Donc il y avait les bornes d'urgence, mais bon. Ben, les appels d'urgence, mais nous l'avantage qu'on avait au niveau des opérateurs, c'est que nos opérateurs et nos opératrices savaient les questions à poser. D'accord. Un opérateur, ouais, malheureusement, ce que je déplore même encore à l'heure actuelle, c'est qu'au téléphone, on a un moyen de communication, on a un moyen de pouvoir alerter les secours, mais 98% des personnes ne savent pas faire un message d'alerte. Ouais, ça va vite, il y a un accident, c'est la panique, quoi, ou panique, ouais. Il faut avoir un certain sens de l'observation et c'est pouvoir dire. Facile. Voilà, c'est pas facile. Et alors, c'est facile comme ça d'en parler derrière un micro, mais ayant été secouriste et travaillé dans les secours officiels pendant 10 ans, ouais, j'ai quand même acté à ce niveau-là. Mmh. Je sais, je peux me permettre de dire à des personnes ce qu'il faut faire et pas faire. Après, j'ai toujours, on a toujours une petite erreur, certes, mais moins. Et c'est vrai qu'au niveau du téléphone, les gens ne savent pas. Et moi, je trouve qu'il serait nécessaire, plutôt que d'apprendre à se servir, de faire une photo, il serait nécessaire, ah ouais, que toute personne, au moins, et une petite formation et de secourisme, ne serait-ce que pour passer l'alerte. Ouais. Tu vois, à ce niveau-là, ça devrait s'apprendre à l'école. Mmh. Et ça s'apprend dans certaines écoles. Mais c'est une base. Ça va venir, j'espère. Voilà. Ouais. Donc, moi, je prône pour ce genre de politique de utile. Ouais. Eh ben, une belle aventure, alors, mon Didier. Voilà. Une belle aventure. Ouais. Et donc, justement, pour terminer cette interview, pour finir cette interview, la cerise sur le gâteau, c'est ce que tu dis. C'est un terme que t'aimes bien employer, ça? Ouais, parce que j'aime bien la cerise, j'aime bien les gâteaux, quand ils sont au chocolat. Moi, ouais, j'ai deux ou trois petits trucs à dire en plus. Donc, là, avant de conclure. Avant de conclure là, ouais, ou avant de conclure en tout? Non, avant de conclure là. Après, on conclut avec ton, on va parler de ton bouquin, justement, une coécriture. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors bon, on avait ce moyen de communication et maintenant on a donc cette fameuse application donc qui s'appelle CibiTalk, voilà, de chez Midland, qui est gratuite, que tous les gens peuvent mettre, et c'est un moyen de, c'est un renouveau du contact, de la communication, où les gens peuvent discuter entre eux dans chaque pays. On peut parler avec des pays étrangers parce qu'on passe par le GPS, on passe par un système qui s'appelle le Push Over Cellular, donc le POC, qui est un mélange de téléphonie, de data et de GSM. Donc on a de la géolocalisation, on a tout ça, je te la ferai voir tout à l'heure hors antenne. Et cette application, elle peut aussi aider lors de catastrophes ou autres, ah, pour, ouais, donner de l'information de masse. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça. Voilà. Donc après, ouais, bah effectivement, donc on s'attrait, on tente de faire les choses et les faire comprendre. C'est pas toujours facile parce qu'on se retrouve avec sur la France des dizaines et des dizaines d'opérateurs qui comprennent pas toujours tout, qui confondent tout. Et c'est très difficile à faire passer des messages. Mais si j'ai un message à faire passer, il est simple. Hein. C'est de la radio-communication, c'est du loisir. Et puis, il faut en rester là. Après, ça regarde les gens qui règlent et qui dirigent l'application, entre autres. Ouais. C'est un système économique aussi. C'est un système économique, ouais, parce que tu as pas besoin de... Enfin, tu as besoin de ton téléphone. Voilà, c'est sûr, ça, que s'il n'y a pas de data, s'il n'y a pas de relais GSM et tout ça, tu passes pas. Tu peux passer par la Wi-Fi ou tu peux passer par la 4G ou 3G. S'il n'y en a pas, tu passes pas. Mais tu peux passer aussi par la CB. Puis tu peux communiquer autrement. Il y a toujours des moyens. Mais c'est un moyen, c'est pas un moyen de substitution. C'est pas se substituer à autre chose. C'est ouais, un complément. Il faut prendre ça comme un complément. Et ça serait bien que les gens comprennent que c'est aussi un moyen utile. Même à l'heure actuelle, sur les fréquences françaises utilisées pour cette application, parler de tout, de l'appui, du beau temps, faire du pilier de comptoir et parler de... C'est bien. Ça, ouais, ça occupe les gens quand ils roulent ou couper. Mais ça peut être aussi très utile sur une route, quand t'as un routier qui passe et qui voit quelque chose, et simplement qu'il l'indique sur la fréquence qui est réservée pour les routiers, de dire attention, je suis sur la A10, il y a tel problème. Ouais. Ça peut éviter un routier en amont. Ça peut éviter, ouais, des voilà, accidents. Voilà, sur accident, ça ouais. peut, voilà, ça c'est après, ça. Je dis pas que de le faire que de l'information non plus, c'est pas le tout. C'est vrai. Et voilà, donc on peut parler tout, on peut parler technique, on peut parler radio, on peut parler route, on peut parler de ses problèmes, on peut parler de tout ce qu'on veut. Mais voilà, il faut n'oubliez pas, messieurs et mesdames, que c'est une application gratuite. Cibitalk. Et que rien ne vous a obligé à la mettre. Voilà, c'est gratos, Cibitalk. Voilà. Cibitalk. Voilà. Ça peut être... alors juste à travers ça, je veux dire que moi, je suis rentré en confiance et que j'ai eu la confiance de la direction de Midland France dernièrement. Ouais. Qui m'a réitéré sa confiance. Et j'avais préparé juste un petit truc. Si tu me laisses 30 secondes. Vas-y, hein. Voilà, j'avais juste pris une petite note. Donc, en étant passionné par la radio de loisirs avec l'évolution de la technologie, tu sais très bien que je me passionne également dans le monde radio professionnel sous l'effigie Néotrans, qui est pour une radio du futur avec la mise en place d'un moyen de communication pour tout ce qui est société privée, administration, agences de sécurité, organisations sportives et autres. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais, c'est une nouvelle technologie. C'est avec cette nouvelle technologie, c'est l'accès à une communication de groupe privé. Ouais. Une communication de réseau élargi parce qu'elle est avec tous les opérateurs. Donc, ah ouais, d'accord. Ça passe par tous les opérateurs. Ouais, d'accord. Il n'y a pas qu'un seul opérateur. Hein. Voilà. Ouais, ça. Voilà. Une rapidité de déploiement. Ouais. C'est aussi la possibilité de mettre des applications de métiers dédiés. Ouais. Donc tout ce qui est au niveau des autres métiers. C'est un système de géolocalisation GPS. Ouais. Et c'est un système, comme tu me disais tout à l'heure, économique. Voilà. C'est un système économique parce que plutôt que d'avoir un téléphone, tout ça, on a certains éléments. Donc il y a une application où il y a des appareils qui sont faits pour ça, qui sont conçus. Et tu peux être en permanence en contact avec tes ouvriers, ton patron, ton service de secours. T'es interconnecté et tu passes. Ça évite tout ce qui est talkie-walkie, tout ce qui est PMR et... L'avantage, c'est que si jamais il n'y a pas de réseau pour l'application, on peut passer par ce qu'on appelle le DMR, le PMR, enfin le côté 446 mégas. Je te donne ça entre parenthèses. En technique. En côté numérique. On peut passer par du PMR à condition que le réseau soit propre, mais on passe par de la Wi-Fi, on passe par du data aussi. D'accord. Voilà, okay. c'est On en a appris plein aujourd'hui, voilà. Cet après-midi, justement. Voilà. Cibitalk à bord. Je vais pas lire bêtement, moi. Voilà, donc un petit clin d'œil à tous les Cibitalkers de France, de Navarre et d'ailleurs. Voilà, et pour finir, la cerise sur le gâteau, la cerise sur le gâteau. Tout le temps. Voilà, c'est que j'ai le plaisir à Arc-en-Ciel de l'annoncer officiellement la coécriture d'un nouveau livre. Voilà, c'est sur l'histoire de la communication radio, de sa naissance à aujourd'hui. Ah, ça c'est bien. J'ai le plaisir. Là, tu vas être pote avec Benoît Billard, mon pote de radio, là. Pourquoi pas. J'ai le plaisir avec un ami, un vrai ami, puis un vrai passionné aussi, prénommé Jean-Guy, de pouvoir raconter notre passion sous un angle différent. Voilà, c'est une écriture croisée de nos expériences respectives, une recherche commune, une analyse sur tout ce qui touche la communication sociale, la mutation tant radio que messagerie et autres réseaux. Donc on va parler un petit peu de tout ce qui est réseau communication. Ouais. Voilà, c'est un témoignage commun de faits de rencontres, d'anecdotes vécues, de passions, de joie et de peine. Un livre que nous souhaiterions publier avant fin 2020. Et un beau bouquin qui arrive. Voilà, pour les fans, les passionnés ou pas, les novices peut-être aussi, non? Pour les novices, ça, tout à fait. On a commencé à l'écrire de manière à ce qu'il soit lisible de tout le monde, sans mettre. Ouais. On raconte un petit peu comment s'est créée la radio communication de la télégraphie sans fil dans les années 1800 jusqu'à maintenant, jusqu'au SMS. Et ce qui se passe au niveau de la communication, les messages, Messenger, tout ça, comment ça, et l'évolution et le changement un petit peu de tout ça, quoi. Eh ben, des beaux changements, une belle aventure pour toi, en tous les cas. On va faire en sorte. Après, c'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours des gens pour décrier ce que l'on fait, mais bon, faut y aller, quoi. Il n'y a pas de souci, puis moi, ça me dérange pas. Ça me fait pas toujours plaisir. Moi aussi, ça te fait plaisir. J'aime bien prendre des coups, c'est vrai, je suis un petit peu maso. Un dernier mot pour finir, parce qu'on a passé 40 minutes ensemble. Tu te rends compte un petit peu. C'est bien. C'est pas mal. Un dernier mot, Didier Verchère. Et ben un petit mot cette belle interview. Ouais, un petit mot, ben merci aux auditeurs, aux auditrices de cette écoute. Un gros 88 aux YL. Donc ouais, c'est le bisou. Ça c'est un code. Ouais. Voilà, c'est un code. Et puis une petite 73-51, donc une poignée. Un petit 69. Non, ça y est pas. Enfin, après c'est en after ça. Tu m'as fait peur, c'est tu me regardes en plus alors. Un petit 73-51 à tous les, donc ça veut dire cordialité, salutations à tous les OM, les opérateurs qui sont, d'accord, qui soient cibistes Citizen Band 27 mégas ou qui soient cibistes Cibitalker sur les ondes fréquences Cibitalk. Ouais. Allez à tous les bons chiffres et restez calmes et à très bientôt en fréquence. Allez, ciao, bye. Bon bah je te copie. Didier Verchère en direct cet après-midi, on en a appris des choses. Jennifer qui arrive. de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, seul le sable doré, ton corps enlacé. C'est le soleil brûlant de l'océan Indien. On dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée. L'air enjoué, toi, ma princesse. Ringa mon appita, hello. Ringa mon amona, hello. Vas-y, cola, pansi. Balibé, mon tueso. J'ai envie de te voir réveiller. Oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sois le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sois le sable doré, ton corps enlacé. Bienvenue sur une plage étoilée, je t'observais danser. L'air détaché, mes yeux brillaient sur ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sois le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sois le sable doré, ton corps enlacé. Au petit matin, tu t'es enfui, sans faire de bruit. Un simple mot me laissant incompris. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps. Mon bébé sur le sable doré, c'est vrai qu'on aimerait bien être sur une plage comme ça en train de se faire bronzer. Hein. Ça ferait du bien. Jimmy Cassel sur Radio Arc-en-Ciel. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis on nous écoute de partout, direction la Savoie. Benoît Billard qui est avec nous au téléphone. Bonjour Benoît. Bonjour mon petit Francky. Ça va, tu m'entends mieux là? Ah, impeccable. Eh, on a un bon son d'art maintenant, tout neuf, hein. Ça fait zizir quand tout marche bien comme ça. Benoît, fan de radio, fan d'affiches, on le sait, toi, tout le monde te connaît à la radio maintenant. T'es parti en vacances, là? Je suis parti, je suis arrivé hier en Savoie pour 8 jours au fin fond de la Maurienne. Oh là là, alors quel temps fait-il? Bleu, de la neige au sol. Ouais. Donc tout va bien, là, il y avait 1 degré cet après-midi, la nuit fait moins 7. Ah oui, quand même, moins 7, c'est là. C'est un sec qui est pur, il n'y a pas de pollution, il y a un beau ciel bleu, c'est agréable. Ça fait du bien après de ça fait du bien de se ressourcer. Ouais, de se ressourcer, parce qu'on a tellement bouffé, on a tellement picolé, qu'après, on a envie de se mettre un peu au vert, comme on dit. Alors, toi, tu bois pas, de toute façon, je le sais que tu bois pas, toi. Non, moi, j'ai passé même les fêtes à bosser dans le commerce, donc comme un fou. Ouais. La donc, bande. J'en ai avec moi un ami de Paris qui a jamais vu la montagne d'hiver. Et là, alors, il en pense quoi? Oui, c'est découverte aussi, pareil, il en a plein les yeux, plein la vue, et puis plein la tête. Avec la petite spécialité, la crêpe à 4 heures, enfin, tu vois, pour passer des bonnes vacances, quoi. Bah, ça fait du bien de passer des vacances comme ça à la montagne, en Haute-Savoie. Haute-Savoie, c'est pas pareil, non? Comment? Savoie et Haute-Savoie, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas le même département. Ah ouais, d'accord, parce que moi je confonds tout. À quelques kilomètres de Modane. Ah d'accord, ok, bah voilà. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu nous appelles de la Savoie. Franchement, ça fait vraiment zizir. Ouais. C'est moi toujours plaisir de t'entendre. Ah ouais, tu vois, on nous écoute partout. Hein. Il y avait Didier Verchard qui était dans le studio là. Et ben, ça me fait vraiment plaisir. La bande FM du Loiret, ça va, ça fonctionne quand t'es en vacances, tu fais un petit break quand même. Là, j'ai fait un break. En plus, j'ai cassé l'ordinateur en début d'année, donc. Ah bah voilà, donc on va t'acheter un nouvel ordinateur. Très forcé, mais bon, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Benoît Billard, merci de nous avoir appelé de la Savoie. Hein. Bah de rien, Francky. Ça me fait vraiment plaisir. Bien. Ouais. Comme quoi, t'as vu, on est une grosse radio, hein. Il y a de la neige. Oui, il y a de la neige, il y a un peu de neige là-haut. Il y a un petit peu de neige quand même. Bon. Il y a de la neige, ouais. Bon, bah ça va. Mais non, encore pire, il y en a prévu pour fin de semaine. Donc. Merci, Benoît. Je t'en prie. Bonne journée. Bonne soirée, bonne émission. Eh, repose-toi, mon Benoît, avant tout, d'accord? C'est prévu, on va se reposer. Ouais. Salut, Benoît, merci. À bientôt. Salut. Eh, ça fait plaisir de voir des gens qui nous appellent comme ça de Savoie. Bah ouais, on nous écoute partout, Radio Arc-en-Ciel. Benoît Billard, qui est en Savoie, qui nous écoute là-haut. On lui souhaite, faire un petit peu de ski s'il peut. Ouais, parce que c'est aussi le but, la montagne, faire un peu de ski. On l'aime à mourir. Ah, c'est Shakira, la version espagnole. Solo fui un holgazán. Yo soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo la vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanta una torre de este cielo hasta aquí. Me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa. No quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. On va dire qu'on s'est avec Shakira, je l'aime à mourir, belle reprise de Francis Cabrel. L'After Job avec Francky, le lundi, ouais. 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. 96.2 FM, c'est la fréquence qu'il vous faut. Lundi, mardi, en direct, 16h-18h. Le lundi, 17h-19h. Ça, c'est pour le mardi. Et puis lundi prochain, après Didier Verchère qui est venu nous rendre visite pendant 40 minutes comme interview, c'est énorme. Il sera là aussi pour 40 minutes d'interview quasiment. C'est Mathieu Schlesinger. Alors, j'arrive jamais à le dire, son nom de famille, mais c'est un personnage adorable. Le maire d'Olivet sera là en exclusivité parce que il vient une fois par an. Il est comme Olivier Carré, il vient une fois par an dans notre radio. Marie-Agnès Linguier vient plus souvent, hein, mais elle, c'est une habitude. Après, elle est un peu dans sa ville aussi, hein. Mais ça va me faire plaisir de le retrouver, le maire d'Olivet, parce que c'est un super bonhomme, personnage adorable. Il est ouvert à tout et à chaque fois qu'on lui demande de venir à la radio, il accepte l'invitation avec plaisir. Et ça, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Do Portugal, Carré, ben ouais, votre petit protégé. Lucenzo sur la française, 25 coups de l'eau. Allez, on pense à Lucenzo Vandasarcudolo, 17h32 minutes. Salut Elodie qui nous écoute du côté d'Olivier. Salut à Grégoire aussi. Saint-Jean-le-Blanc, merci de nous écouter. Merci de m'écouter. Francky, t'as une belle voix. Ah ouais, super. Moi, j'ai une voix normale. Voici Sofia et Alvaro Soler sur un avant-ciel. Desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía. Sur la ciel avec du son latina, Sofia, Alvaro Soler, le meilleur des souvenirs. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée parce que ça y est, la soirée est bien entamée. Bah ouais, ça y est, ça va commencer. Vous sentez peut-être du boulot là, vous êtes stressé là, un peu de douceur dans ce monde de mouettes. Bah, c'est de la kizomba avec All on Me, c'est sur l'arc-en-ciel. Just wonder, drawing me in and you kicking me out. My head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful night? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy now. And all your edges, all your perfect imperfections. And give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win. Cause I give you all me, and you give me all you. Oh, how many times do I have to tell you? too. The world is beating you down and around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy, my mind. Your curves and all your edges, all your perfect imperfections. And give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I'm losing, winning. Cause I give you all. Lundi 17h39 minutes, ça fait du bien, du soleil. Bah ouais, un petit coup de soleil, ça ferait du bien, hein, ce temps-ci là. Si Danny Ocean. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real, se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Por favor, entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue mi voz. Y dale tiempo, tiempo. Mami, al tiempo, tiempo. Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, baby, al tiempo. Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Baby, no. Sigue, guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo, haciéndolo, haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Allez, on s'est donné un chien, un peu de latina, ça fait du bien à ce temps-ci. La météo pour demain. La météo. La météo pour demain, malheureusement, le ciel est couvert et nuageux. Et ouais, beaucoup de nuages, pas de pluie prévue au programme, mais un ciel chargé, chargé. Les températures au lever du jour, 8 petits degrés, on ne dépassera pas les 11 degrés. Voilà, pour ça, un thermomètre quand même correct pour un mois de janvier. 17h42 minutes avec De Palmas qui arrive. Bah, ce premier, il est sur la route. Vous aussi, peut-être sur la route du retour du boulot. Avec du son tranquille comme ça, la sainte journée. Voici De Palmas. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. J'avais perdu l'habitude. Chacun de mes paroles, erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me noie dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. Moi, s'immiscer. De Palmas, sur la route. Heureux d'être avec vous. C'est Francky dans la radio jusqu'à 18h. Et puis, on a appris, là, ce décès tragique de Paolo Goncalves, motard sur le Paris-Dakar. C'était dimanche. On a un ami intime qui est avec nous au téléphone, qu'on connaît très bien sur Orléans. C'est Alex Larangera. Bonjour, Alex. Oui, bonjour. Comment tu vas bien? Enfin, on va dire ça, comme ça, si on peut, parce qu'après, je ne vais pas dire la vérité, j'étais réveillé hier matin vers 10h30, ouais. Coup de téléphone du portugais, mmh. En m'annonçant la triste nouvelle de la perte de Polo, mmh. Avec qui j'ai déjeuné dernièrement, en fait, au mois de novembre avec lui. Ouais. Et bah, pour bien vérifier, je suis encore un peu sur le choc. Je me doute, alors excuse-moi de t'avoir un peu dérangé peut-être, mais je me suis dit, il fallait qu'on en parle à la radio, une radio portugaise. Non, mais t'as tout à fait raison. Je me suis dit, tiens... Elle est faite pour ça. Ouais. Toi, t'es ancien pro, hein, motard, de Portugal, Alex. Oui, c'est ça. Et t'as couru avec lui, t'as passé des bons moments, je suppose. Non, j'ai pas couru avec lui parce que la catégorie, moi, c'est la vitesse, lui, c'est le tout-terrain. Ouais. Il était deuxième au Paris-Dakar en 2015. Mmh. Il était champion du monde de rallye en 2013. Donc, on habitait la même ville, au fait. D'accord. On est tous les deux du même lieu. On habitait à quoi, une dizaine de kilomètres l'un de l'autre. Et quand ils s'entraînaient, ils passaient devant chez moi en vélo, on discutait, enfin, voilà. Ouais. Comme tous les pilotes qui se respectent. Et puis, j'organise mon salon le 25 et le 26 janvier 2020. Ouais. À Espagne, évidemment. Et lui, c'était ma tête d'affiche, au fait. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. Donc et là. Du coup, là, on avait déjà collé tous les programmes sur les autoroutes, les panneaux. Ouais, bien sûr. Pour annoncer l'événement et tout. Ouais. Et on recommence tout parce que depuis cet après-midi, ben, on va reformuler tout ça. Toi, tu le fréquentais, un ami intime, comme tu me disais hors antenne, dans la vie, c'était un mec cool, sympa. C'est un mec cool, vivant. Il n'y a pas plus génial que ce type. Ouais, c'est un guerrier, c'était l'anti-vedette par excellence. Mmh. Il ne se prenait pas pour une star, vraiment pas. Il était, quand tu le voyais au journalier, tu n'avais même pas l'impression que c'était un pilote professionnel. Ouais, ouais. Un mec exceptionnel. Et en plus, quand je l'ai quitté au restaurant la dernière fois, bah, il restait simplement en train de jouer des aux cartes avec ses potes. Ouais. En me disant, bah, rendez-vous le 25. Ouais, c'est ça. Janvier, Dakar. Et finalement, bah, ça n'aurait jamais lieu. Malheureusement, le Dakar, c'est un peu dangereux quand même, le Dakar, avec toutes les dunes, ce qui se passe dans le désert. C'est en Arabie Saoudite, Alex. Oui, c'est ça. Ouais. J'espère ne pas t'avoir dérangé, Alex, mais je me devais quand j'ai vu ton Facebook avec les photos intimes, je me suis dit, comme on se connaît bien, Alex, je dis, je dois appeler Alex, et puis s'il veut en parler, il en parle, s'il veut pas, c'est pas grave, mais je peux en parler parce que y a aucun souci. Je voulais faire un petit hommage, voilà. Ça me fait plaisir que les gens sur Orléans sachent un petit peu que voilà. Ouais, voilà. Donc là, je fais l'après-midi. On est là pour ça, en fait. Il faut que le fil continue. Là, j'ai une pensée très spéciale pour ses enfants, sa famille. J'étais chercher des fois à l'aéroport quand il était champion, donc on faisait une méga fête à l'aéroport de Porto. Ouais. J'ai une pensée vraiment spéciale pour son père, sa femme, ses deux enfants. Bien sûr, ouais. Et puis là, on attend avec impatience qu'il arrive au Portugal pour qu'il fasse un entièrement digne de ce nom, et puis je pense un triomphe, on va dire. Hein. Il aura vraiment beaucoup, beaucoup de monde de tous les pays qui vont venir à son enterrement. Ouais. Moi, je suis sur Monaco en train de bosser, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller, mais si je peux, évidemment, je prends des avions, j'y vais aussi. Ouais, bien sûr. Mais pour l'instant, j'ai pas d'heure, j'ai pas d'heure ni de jour pour l'enterrement. C'est sûr. Bah, on sent l'émotion, Alex. Ouais. Du coup, on va faire un super hommage à cet ami et pilote. Ouais. Le jour du salon, le 25 et 26 janvier, on va faire un truc mémorable. Et si tu veux, bah écoute, à ce moment-là, si tu veux, on est sympa, bah, tu peux appeler. Avec plaisir. Ouais. Si on peut faire un petit hommage aussi, nous, du côté de la radio Arc-en-Ciel, ça nous ferait vraiment plaisir. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir consacré ces 3-4 minutes, Alex Larangera. Pas de problème. Si tu avais un mot en portugais, parce que tu sais, on est une radio portugaise, si tu avais un mot adressé à tous nos amis portugais, justement. Bah, c'est très simple. Bon, toi, la gente. Voilà. Merci, Alex Larangera. Salut. Ça m'a fait plaisir d'avoir au téléphone. À bientôt, voilà. Je me devais d'appeler Alex Larangera parce que j'ai vu, c'est un ami à moi déjà, puis j'ai vu sur Facebook qu'il avait posé une photo avec Paulo Goncalves, et je me suis dit, bah, je vais essayer de l'appeler, voir s'il a envie de témoigner, pourquoi pas. En tout cas, je voulais le remercier du fond du cœur, moi, Alex, et puis on a une grande pensée pour la famille de Paulo Goncalves. Voilà, on voulait donner toutes nos condoléances. Gims qui arrive, hein, l'émotion dans la voix. Merci, Alex. Everybody. t'attire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça ma femme la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux dire juste pour la rime. Je veux dire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. La vérité c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent me dit en t'aime. Malgré ta couleur est belle. Je veux dire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Avec Gims, je suis encore ému, hein. Beau témoignage de monsieur Alex Larangera, ancien pilote, hein, champion au Portugal, qui a témoigné de son ami malheureusement qui nous a quitté, Gonçalves Paulo. Voilà, on va encore adresser toutes nos condoléances à la famille. Il y a DJ Assad qui arrive avant l'Espagne, les balcons d'Espagne, dans moins de 4 minutes sur la console. Voici l'île de la Réunion, Willy William, Alain Ramanisium. Ah! poteau, y'a une grande cerveau. Dans son café, n'a pas une friasse. Tout est passé, il faut trancher, mais nous aussi, quand c'est là, il faut danser. L'ego devant, c'est l'ego derrière. Les tournées, les tournées. Il met son corps devant, mais son corps derrière. Les tournées, les tournées. Mais c'est l'ego devant, c'est l'ego derrière. Les tournées, les tournées. Il met son corps devant, mais son corps derrière. Les tournées, les tournées. Les tsunamis là-haut. Allez, en ciel, l'île de la Réunion avec Willy William, Alain Ramanissium, ça fait du bien, un peu de chaleur. Ouais, demain, les températures dépasseront par les 11 degrés. Le ciel sera nuageux. Je vous laisse avec le soleil d'Espagne qui arrive, les balcons d'Espagne. Nous, on se retrouve demain à partir de 17h jusqu'à 19h. Portez-vous bien et rendez-vous demain. Ciao!